Nous ne sommes pas les seuls à penser qu'il faut véritablement lutter. Il y a, de la même façon, des juifs qui font ce travail, et il y a des chrétiens qui font ce travail. Quand j'étais en Égypte, je me suis retrouvé devant 120 chrétiens à faire une conférence. Ils m'ont donné, en arabe, le concile de Vatican II. Et ils m'ont dit, ce que vous dites, si c'est ça que vous voulez en Égypte, alors nous sommes avec vous. Parce que nous sommes avec Dieu pour la justice et contre l'injustice, et ils se battent de la même façon. Alors nous ne sommes pas d'accord sur la foi, nous sommes d'accord sur le fait de changer la société. « Ya ahl al-kitab, lestum ala shay' hatta tuqimu al-tawra wal-injil » Vous n'êtes sur rien, ô vous les gens du livre, tant que vous ne revenez pas à la Torah et à l'Évangile. Et qu'est-ce que vous dit la Torah? Soyez juste. Qu'est-ce que vous dit l'Évangile? Sincère, soyez juste, battez-vous. Et vous avez un livre d'un homme qui s'appelle Paul Valadier, un jésuite français, qui a écrit un livre qui s'appelle « Agir en politique » et qui est bon pour les musulmans aussi, parce qu'il rappelle aux chrétiens que quand tu es chrétien, puis que tu as une morale, puis que tu crois en Dieu, tu peux pas faire n'importe quoi en politique. Si tu as une morale, tu vas avoir une décision politique morale. Si tu es moral, tu vas avoir une décision économique morale. Alors nous, les musulmans, on n'est pas seuls détenteurs du travail social qui est bon. Il y a des chrétiens qui y pensent de bonne façon, et il y a des juifs. J'en connais une à Genève qui écrit d'une façon extrêmement violente par rapport au pouvoir sioniste, qui dit que ce n'est pas l'enseignement du judaïsme. Et ce qu'elle dit, j'y souscris, je suis d'accord avec ce qu'elle dit sur la justice sociale. Est-ce que c'est parce qu'elle est juive que je vais lui dire « je ne veux pas parler avec toi » C'est pas ce que m'a enseigné le prophète, alayhi salam. Attention les frères, attention les sœurs, soyons justes. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs qui, en fonction de leur foi, veulent changer la société. Tout ce qui est pour plus de justice, nous le voulons. Que tu n'aies pas la même foi, c'est ensuite c'est Dieu qui décidera. Nous, on n'entre pas, mais nous voulons changer la société pour plus de justice. J'ai rencontré Don Elder Camara au Brésil. Il me regarde et il me dit, vous savez, moi, quand je travaille avec les pauvres, on me dit je suis un saint. Quand je fais de la politique, on dit que je suis marxiste. Donc, on le jette. Et il me regarde et il me dit, et vous? Ben nous, c'est simple, quand on fait de la politique, c'est fondamentaliste, ou intégriste, ou barbu, enfin, connaissez tout le vocabulaire. Mais il dit la même chose, on va se battre pour plus de justice. Il y en a combien parmi les musulmans qui savent ce que c'est que la théologie de la libération? Qui savent qu'il y a des gens qui, au nom de leur foi chrétienne, ont décidé de se battre comme des fous. Et je vous promets que quand vous allez dans ces pays-là, ça force le respect. Dieu jugera, mais ce qu'ils font, c'est pour plus de justice. Ils se battent pour plus de justice sociale. Il faut respecter ça. Alors nous, pour Dieu, la lutte du cœur avec le cœur est la lutte sociale pour plus de justice. Et toutes les stratégies sont bonnes. Ensuite, il faut repenser avec la tête.